Chapitre 11e. L'étonnement du détective japonais était justifié. La route dans laquelle il cheminait la suite de Martin Sulak était bordée de rares masures couvertes de chaume et aboutissait à une vaste esplanade, complètement déserte, et au centre de laquelle une bizarre construction s'élevait. C'était une sorte de tour, beaucoup plus large que haute, et de forme circulaire. Elle s'élevait à plus de 12 mètres au-dessus du sol, et son diamètre devait être d'environ le double de sa hauteur. Sa seule ouverture était une porte garnie d'une épaisse grille de fer, dont les barreaux étaient aussi gros que le poignet. Au-dessus du singulier monument, des nuées de vautours voletaient en piaillant. Plusieurs de ces sinistres oiseaux étaient perchés au sommet de la bâtisse. Ce monument, Ikko Teruka, l'avait reconnu du premier coup d'œil. C'était une tour du silence. Comme on le sait, les Parsis, qui pratiquent la religion de Zoroastre, qui était celle des anciens Perses, croient que leur cadavre, étant impur, ne doit souiller ni l'air, ni la terre, ni l'eau. Autrement dit, qu'il ne doit être ni enterré, ni immergé, ni brûlé. Pour satisfaire à ces conditions, les Parsis ont imaginé d'édifier les tours du silence où les corps sont exposés jusqu'à ce que les oiseaux de proie les dévorent, ce dont ils se chargent avec plaisir. Or, Martin Sulak, après avoir jeté un regard inquiet et investigateur autour de lui, se dirigeait droit vers la porte du sinistre monument. Ikko Teruka, dissimulé derrière un tas d'herbes sèches, vit le faux Parsi, rassuré, tirer une clé de sa poche et vivement ouvrit la massive grille qui tourna sur ses gonds sans aucun bruit, signe évident qu'elle était graissée. Martin Sulak disparut dans l'ouverture après avoir refermé la porte sur lui. Ikko Teruka, à son tour, inspecta les environs. Maintenant, c'était la nuit noire. L'endroit était complètement désert. La masure la plus proche se trouvait à plus de 500 mètres, et aussi loin que la vue pouvait porter, le détective japonais n'aperçut aucune lumière. Les tours du silence, en effet, passent parmi les hindous pour porter malheur à ceux qui s'en approchent une fois le soleil couché. Martin Sulak devait connaître ce détail, aussi avait-il choisi son moment. Ikko Teruka, profitant de l'obscurité, se mit à plat ventre sur le sol et rampa sans bruit vers la porte de la tour qu'il atteignit en quelques instants. Le célèbre détective, à l'aide du passe-partout perfectionné qu'il emportait dans toutes ses expéditions, eut au fait d'ouvrir la grille. Il la tira lui, passa le seuil, et se borna à repousser la grille contre le chambranle. Devant lui, il distingua un étroit escalier de pierre tout droit. Il le gravit en silence, jusqu'à ce que sa tête fût à la hauteur de la plateforme surmontant la tour. Il vit une centaine de clés de fer sur lesquelles gisaient des corps à demi rongés. Au-dessus de l'un d'eux, Martin Sulak, agenouillé, était penché, semblant chercher quelque chose. Sans doute les rubis volés qu'il devait avoir cachés là, pensa Ikko Teruka. Au-dessus du Hongrois, plusieurs gros vautours voletaient lourdement, attendant son départ pour commencer leur festin. Ikko Teruka jugea que le moment d'agir était venu. D'un bond, il sauta sur la terrasse et se lança vers Sulak. Le Hongrois ne l'entendit pas venir, mais au moment où Ikko Teruka allait l'atteindre, les cris d'effroi des vautours lui firent tourner la tête. Il vit le détective et, poussant une exclamation sourde, se dressa un long poignard dont la lame brillait au poing. Ikko Teruka ne lui permit pas de s'en servir. Il esquiva facilement la teinte de la lame et, à la seconde suivante, saisit dans ses doigts de fer le poignet du misérable, en même temps que d'une passe de jiu-jitsu exécutée de la main gauche, il le réduisait à l'impuissance. Martin Sulak tomba à la renverse et un revolver s'échappa de sa ceinture et alla frapper les dalles. Une détonation retentit dans le silence de la nuit. En heurtant la pierre, le revolver avait fait feu. La balle, heureusement, n'atteignit personne. « On était bien armés, monsieur Sulak !» fit ironiquement Ikko Teruka, qui, avant de poursuivre l'entretien, tira de sa poche la cordelette qu'il avait emportée à cet effet et ligota solidement les pieds et les poings de son prisonnier. Après quoi, il explora les poches, et la première chose qu'il découvrit, ce fut deux merveilleux rubis, les rubis arrachés à la statue du temple de Dambulla. « J'en étais sûr !» murmura doucement le célèbre détective. « Maintenant, » continua-t-il en s'adressant au Hongrois, « vous allez me faire votre petite confession que je... » Un grincement métallique interrompit les paroles d'Ikko Teruka.